Alléluia. Alléluia. Moni sanke mbona yonkosi. Obongina lokumu. Obongina kembo pela masanjo li mwenge bene. Nzambe ya solo deyo. Tofuka mi libo sona yo. Tokiti libo sona mokosi. Yeah.